Seigneur, nous sommes là pour toi. Balancez nos mains pour la gloire de Jésus. Sans combien le Seigneur est parmi nous. Sans aller à tes côtés. Sans combien il est en train de remplir ces lieux de sa gloire. Alléluia. Oh, aïe, aïe, aïe.